Cette rue, les cyclistes peuvent rouler dans ce sens de circulation? Oui, réponse A. Non, réponse B. En sens inverse? Oui, réponse C. Non, réponse D.